One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd, frères et sœurs en islam, bienvenue encore une fois à une nouvelle séance de l'étude et le tafsir de Sourate An-Najm, toujours avec cette longue ayah, la ayah numéro 32. Quand on dit bien sûr longue, c'est comparé aux autres ayahs de Sourate An-Najm qui sont en général plutôt courte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette ayah de Sourate An-Najm, il nous décrit ce qu'il est muhsinin, ce qu'il est bienfaisant. Allah azza wa jal, il dit subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mentionné que ceux qui sont les muhsinin, ils évitent les péchés majeurs, ils évitent aussi les turpitudes, les fawahish, excepté al-lamam. Et on a déjà expliqué c'est quoi les deux opinions de al-lamam, les deux opinions de savants, des savants sur l'explication de al-lamam. On avait mis les deux opinions ensemble pour dire que al-lamam, ça regroupe les péchés majeurs et les péchés mineurs, à condition que ce soit rare que la personne les commet, surtout dans le cas des péchés majeurs, et aussi que ce ne soit pas avec une persistance. Et dans le cas des péchés majeurs, il faut que ce soit aussi associé avec la tawbah. Alors l'imam Sa'di rahimahullah, il dit « هذه مع الاتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. ولهذا قال الله تعالى إن ربك واسع المغفرة. » Il dit l'imam Sa'di rahimahullah que si quelqu'un accomplit ses obligations de la religion et évite al-lamam, la personne, elle est pardonnable par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah azza wa jalla, il dit inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon, il est vaste, il est très grand. Lamma akhraja Allah ta'ala al-musi'a 'an al-maghfirati bayyana anna dhalika laysa lidhiqin fiha. بل ذلك بمشيئة الله تعالى ولو أراد الله المغفرة لكل من أحسن وأساء لفعل وما كان يضيق عنه مغفرته. Donc pourquoi ici les ulama ils disent ici pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla il dit inna rabbaka wasi'ul maghfira, que le pardon de ton Seigneur est très très vaste. Ils disent de un, pour que personne ne puisse penser que si Allah Ta'ala il punit les moussis, rappelez-vous avant Allah Ta'ala dit quoi? لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. Allah Ta'ala va donner la rétribution de ceux qui sont أَسَاءُوا, qui font le mal. Allah Ta'ala va leur donner la rétribution pour leur mauvaise œuvre. Allah Ta'ala n'a pas dit الَّذِينَ أَسَاءُوا سَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ. Allah Ta'ala va leur pardonner, c'est pas grave. Non, Allah Ta'ala va les punir. Mais pour que personne ne pense que Allah Ta'ala les punit parce que Allah Azza wa Jalla n'est pas assez pardonneur, non, non, non. Le pardon d'Allah Azza wa Jal, il est très vaste. Et si Allah Azza wa Jal, il voulait, il pardonnerait même à celui qui est moussi'. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu par sa justice qu'il va punir celui qui est moussi'. Bien sûr, surtout le kafir, iyadha billahi subhanahu wa ta'ala. Et aussi, aydan lamma kana al-muluku la yaghfiruna liman takarrara dhunubuhum ilayhi, dhunubuhu ilayhim walau saghurat. وإن صغرت فكأن السامع يستعظم أن يغفر ملك الملوك سبحانه مثل هذا علل ذلك بقوله إن ربك واسع المغفرة. Aussi il dit ici parce que habituellement al-muluk, les rois, les puissants, quelqu'un qui va leur désobéir plusieurs fois, ils vont plus lui pardonner. استعظمون, très grave, tu as désobéi au roi plus d'une fois, tu ne seras pas pardonné. Tu mérites la punition. Allah Ta'ala, il a cité ici « Inna rabbaka wasi'u al-maghfira » que Allah Azza wa Jalla n'est pas comme les rois de la dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, son pardon, il est très très vaste. Il est plus vaste que les actions et les erreurs de ses serviteurs Subhanahu wa Ta'ala. Donc ici, il y a des ayats en passant qui se rapproche du sens de cette ayah. Entre autres, dans sourate An-Nisa, ayah numéro 31, Allah Azza wa Jalla, il dit: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." In tajtanibu, si vous évitez kaba'ira ma tunhauna anhu. Le majeur de ce qu'on vous a interdit, ça veut dire les péchés majeurs, nukaffir 'ankum sayyi'atikum, on va vous pardonner vos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala promet à celui qui évite les péchés majeurs qu'il sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla aussi dans sourate Az-Zumar ayah 53, qul ya ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah azza wa jalla, il s'adresse à ceux qui ont asrafu 'ala anfusihim, ils ont fait trop de mal à eux-mêmes, ils ont fait trop de péchés. Allah Ta'ala, il leur dit: La taqnatu min rahmatillah, ne perdez pas espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala, il pardonne tous les péchés. Allah Azza wa Jal, il est Al-Ghafour, Al-Rahim, le pardonneur et le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans sourate At-Talaq: Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Celui qui yattaqillaha, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla lui pardonnera ses sayyi'at et Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la récompense. Dans le hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit? Hadith d'Abu Huraira: As-salawatul khams, les cinq salawat, ça veut dire chaque salat jusqu'à la prochaine et ainsi de suite. Wal jumu'ah ila al jumu'ah, et chaque salat jumu'ah jusqu'au prochain, jusqu'à la prochaine jumu'ah. Wa ramadan ila ramadan, chaque ramadan au prochain Ramadan, mukaffiratun ma baynahunna, ça efface ce qui est entre les deux. Ramadan va effacer les péchés entre lui et entre le Ramadan qui le précède. Chaque salate efface les péchés jusqu'à la salate qui la précède. Ainsi de suite, idha jtanaba al-kaba'ir, si la personne évite les péchés majeurs. C'est clair. Ça veut dire les péchés mineurs qui sont entre les deux seront pardonnés par ces bonnes œuvres-là. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Comme dit ici Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, qad thabata fi al-Qur'an al-Karim anna as-sagha'ira tughfaru bijtinab al-kaba'ir. Que c'est évident dans le Coran que les péchés mineurs sont pardonnés par l'évitement des péchés majeurs. Ici quelque chose aussi de très très intéressant, écoutez bien ça. Illa al-lamam. Al-istithna'u huna bima'na al-istidrak. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal il a cité ici l'exception de al-lamam? Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala il a dit sauf pour al-lamam? Qad yadhunnu an-nasu faqad yadhunnu an-nasu anna an-nahya 'anha yulhiquha bikaba'ir al-ithmi. Falidhalika haqq al-istidrak wa fa'idatu hadha al-istidrak 'ammatun wa khassah. أما العامة فلكي لا يعامل المسلمون مرتكب شيء منها معاملة من يرتكب الكبائر. Ça c'est un point extrêmement important. Il dit ici, l'un des ulama de tafsir, qu'il y a deux avantages importants ici. Il y a deux messages derrière cette exception de al-lamam. De un, qui s'adresse à tout le monde, à la communauté au général, que les gens ne fassent pas l'erreur de traiter celui qui a commis al-lamam comme il traiterait celui qui fait quoi? Kaba'ir wa al-fawahish. Tu as vu quelqu'un une fois, tu l'as entendu, tu l'as vu, tu as entendu parler, qu'il a commis une erreur qui tombe dans al-lamam. Ne cancel pas la personne. C'est clair que ça ne serait pas juste parce que c'est pas la justice auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a personne qui est parfait, il y a personne qui n'a pas d'erreur, qui n'a pas de péché. Ça n'existe pas. Ni nous, ni pour les autres. Ni pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait que quelqu'un Et entrer dans cette zone-là de Al-Lamam qu'on a déjà définie, on ne va pas répéter, on ne va pas l'exclure de Al-Muhsinin, des bienfaisants. Ce n'est pas comme celui qui kaba'ir wa al-fawahish, c'est clair, ne sont pas égaux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans notre religion, on n'a pas ce concept-là de les vertueux, c'est ceux qui ne font pas de péché. Ça n'existe pas, ça. Kullu bani adama khatta. Donc, khayru khatta'ina at-tawwabun. Donc, ici, on a encore une fois, c'est très clair, on a dit al-lamam, soit péché mineur, mais pas de façon persistante, pas de façon régulière. C'est pour ça, ici, comme les ulama, ils ont dit tout à l'heure, marmouratun fi bahri hasanatihi. Les péchés mineurs, mais c'est inondé par les bonnes œuvres de la personne. Ça, c'est pas juste de, encore une fois, de remettre en question l'intégrité, le bon caractère de la personne. Ça, c'est volm, c'est injuste. Ou péché majeur, mais ce n'est pas l'habitude de la personne. Et la personne, elle a déjà fait at-tawba pour ça. Ici, la même chose. Ça ne cancel pas la personne. Ça ne va pas annuler le statut de la personne auprès d'Allah Azza wa Jal, let alone auprès de nous. On est qui nous si Allah Azza wa Jal, il pardonne à une telle personne pour qu'on remette en question son intégrité. وَأَمَّا الْخَاصَّةُ فَرَحْمَةٌ بِالْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ قَدْ يَرْتَكِبُونَهَا فَلَا يَفِلُّ ارْتِكَابُهَا مِنْ نَشَاطِ طَاعَةِ الْمُسْلِمِ وَلْيَنْصَرِفْ اِهْتِمَامُهُ إِلَى تَجَنُّبِ الْكَبَائِرِ فَهَذَا الْاِسْتِدْرَاكُ بِشَارَةٌ لَهُمْ. Donc ici, le deuxième avantage, il est spécifique, il est individuel à chacun, à chaque croyant, à chaque musulman. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il fait ici l'exception de Al-Lamam? C'est par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, pour que ça n'affecte pas leur motivation. Que ça ne va pas les affecter de sorte à ce qu'ils vont délaisser les bonnes œuvres. En disant, moi j'ai des péchés, ça ne sert à rien. Non. Wal yasrif ihtimamahu ila tajannubil kaba'ir. Que le croyant mette l'essentiel de son effort sur l'évitement des kaba'ir et fawahish. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité subhanahu wa ta'ala. Wa laysa al-ma'na anna Allah rakhasa fi ityan al-lamam. Et le sens n'est pas que Allah Ta'ala, il a permis de commettre quoi? Al-lamam. Non, non, c'est pas ça le sens. Le sens, c'est pas que Al-lamam, c'est halal. C'est pas ça le sens. Non, non, non. Le sens, c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal, encore une fois, par sa miséricorde, de un, et aussi par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il a rendu cette religion très pratique, très facile, accessible. Ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj. Allah Azza wa Jal, bien sûr, on ne va même pas parler de al-kufr, là c'est iyadan billah, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit ici le plus gros, l'essentiel, fawahish wa al-kaba'ir, ce que certains ulama ils appellent al-maqatil. Ça c'est des points qui sont comme un point fatal en quelque sorte. Ça c'est ici. Et après ça, Allah Azza wa Jal, autour de ça, il a interdit quoi aussi? Al-lamam. Et il y a d'autres choses, bien sûr, autour qui sortent du domaine ici aujourd'hui, du sujet, comme le makruhat et tout. Mais le croyant, dès qu'il commence à rentrer dans le domaine de al-lamam, c'est pas que c'est permis. Non, non, c'est haram. Même le lamam, c'est haram. Mais déjà là, il y a assez de rappels et d'alarmes et tout pour rappeler pour qu'ils ressortent à l'extérieur. Ça veut dire que c'est une grande zone avant d'entrer ici dans Al-Kaba'ir wa Al-Fawahish. Ça ne va pas tout de suite d'ici directement à Al-Kaba'ir et Al-Fawahish et que la personne elle vient de commettre quelque chose de très très grave. C'est clair. Laysa al-ma'na anna Allah rakhasa fi ityani al-lamam. Donc encore une fois, comme on a dit, ça c'est quelque chose de très important. Comme Allah Azza wa Jal, il dit wa idha qultum fa'dilu, wa idha qultum fa'dilu. Ça c'est très typique de certaines personnes qui se considèrent, comme on dit, les musulmans non pratiquants. Je suis un musulman, mais non pratiquant. Mais je suis quand même un très bon musulman et j'ai la foi dans le cœur et je suis meilleur que vous tous. C'est comme ça que certains parlent. Je suis un musulman non pratiquant. Ça n'existe pas, un musulman non pratiquant. Il existe musulmans plus pratiquants que d'autres, moins pratiquants. Ça n'existe pas un musulman qui est non pratiquant. Pourquoi ça n'existe pas? Ok, la prière, salat, oui, tu as donné quelque chose de spécifique, oui. Donc, s'il ne fait pas la salat, quel islam il lui reste s'il fait la salat? Tu pratiques ta religion. On ne peut pas dire que tu fais la salat et tu ne pratiques pas du tout ta religion, oui. Barakallahu fik, parce que la pratique, l'action, c'est parmi les composantes essentielles de la foi, de l'iman. Il n'y a pas de iman s'il n'y a pas d'action. Donc, ça n'existe pas, ça. Un musulman non pratiquant, c'est contraire à la définition même du musulman. Ok? Mais encore une fois, certains de ces musulmans non pratiquants, ils disent, moi, je suis mieux à être musulman non pratiquant que d'être comme certains musulmans que je connais, un musulman qui fait un salat, où je l'ai vu une fois faire, ou je l'ai déjà entendu dire, alors que c'est très souvent des choses qui sont dans le domaine de quoi? De Allah même, qui est pardonnable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas sortir, encore une fois, la personne du domaine de al-ihsan, de al-muhsinin, de ceux qui sont bienfaisants. طيب, après ça, Allah azza wa jalla, il dit subhanahu wa ta'ala, huwa a'lamu bikum. Naam. Pour revenir à Allah dit inna rabbaka wasi'ul maghfira. Naam. Quand on parle des péchés qui sont pardonnables par Allah, on parle des lamem surtout. Oui, le lamem, il est pardonnable de façon automatique. Les autres péchés qui sont plus que le lamem, tant que ce n'est pas le kufr, Allah azza wa jalla, il pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc si on sort du domaine de l'amam, on monte plus grave que ça. Kaba'ir, quelqu'un qui a des péchés majeurs et sans tauba, sans repentir. Il a des péchés majeurs, pas l'amam, pas une fois, pas de persistance, non. Quelqu'un a des péchés majeurs. Qu'est-ce qui lui arrive auprès d'Allah dans l'akhira? Il mérite la punition. C'est ça ce que la personne, elle mérite. C'est ça la règle. C'est ça le wa'id. La personne, elle est dans un domaine très dangereux, très grave. Mais ça reste que tant que ce n'est pas le kufr, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Si Allah Ta'ala, il veut, il pardonne. Et yawm al-qiyama, Allah Azza wa Jalla, il va pardonner à des gens qui ont fait certains des pires des péchés sans même tauba, sauf bien sûr le kufr et le shirk. Allah Ta'ala va leur pardonner. Liman yasha, il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pas à nous de décider pourquoi est-ce que lui, il se fait pardonner et l'autre, il ne se fait pas pardonner. C'est Allah Azza wa Jalla qui est Ar-Rabb. Mais ça, ce n'est pas une garantie. Ça, c'est pas un droit que Allah Ta'ala nous a accordé. Mais si quelqu'un est dans le domaine de l'amam seulement, ça, c'est un droit que Allah Ta'ala lui a accordé. C'est une promesse qu'il sera pardonné. Inna rabbaka wasi'u al-maghfira. C'est clair? طيب. Après ça, Allah Azza wa Jalla, il dit: huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi wa idh antum ajinnatun fi butun ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi wa idh antum ajinna fi butun ummahatikum. Allah Azza wa Jalla, il dit huwa a'lamu bikum. C'est quoi a'lam bikum? Huwa, c'est lui qui vous connaît plus. Huwa a'l, il y a personne qui nous connaît plus que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a créé subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui vous connaît le mieux. Quand il vous a produit, quand il vous a créé de terre, إذ أنشأكم من الأرض. Allah Azza wa Jalla nous a créé à partir de terre. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. Et lorsque vous étiez des embryons dans les matrices de vos mères. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. On va revenir sur ça, inshallah ta'ala. Donc là, Allah Ta'ala nous a nous parle de sa connaissance de nous, qu'il nous connaît, subhanahu wa ta'ala, celui qui nous connaît le mieux, connaît tout à propos de nous, même ce que nous, on ne connaît pas à propos de nous-mêmes, Allah Azza wa Jal, il le connaît, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, il nous rappelle l'origine de notre création qui est la terre et notre état initial qui était embryon dans les matrices de nos mères. Tout ça, ça réfère à quoi exactement, ou entre autres? De un, les ulama, ils disent Ajinna jam'u janin. Donc l'embryon s'appelle en arabe, comme ici dans l'ayah, al-janin. Wa huwa al-waladu ma dama fil batni. Ça, c'est le bébé avant qu'il ne soit né, tant qu'il est dans la matrice de sa mère. Summiya janinan lijtinanihi wastitarihi. Janin, ça vient de la racine ici quoi? Jananun. Jananun, ça fait référence à al-istitar, quelque chose qui est caché, dissimulé. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Les djinns. Pas djinn. Djinn, c'est djinn. Après ça, quoi? Noun avec shadda. Noun avec shadda, c'est deux noun, doublé. Donc, c'est jananun. C'est ça. La racine. Les djinns, ils sont quoi? C'est des créatures qu'on ne peut pas voir, sont cachés. Donc, al-janin, l'embryon, il est caché dans la matrice, dans le ventre de sa mère. On ne peut pas le voir. Huwa mustatirun. Huwa a'lamu bikum. Donc, ici, munasabatuha taqriru lima marra min qawlihi huwa a'lamu biman dalla. Ka'anna al-amila min al-kuffar yaqul, nahnu na'malu umuran fi jawfi al-layli al-muzlimi wa fi al-bayti al-khali, fa kayfa ya'lamuhu Allahu ta'ala. Donc la première munasaba ici avec le contexte, le premier lien avec le contexte antérieur, lorsque Allah Azza wa Jalla il dit que Allah subhanahu wa ta'ala huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Rappelez-vous, aya c'était quoi la aya numéro 30 de aya avant, Allah huwa a'lam, il est plus connaisseur, il connaît mieux celui qui est égaré de son chemin. Donc là le kafir pourrait dire moi, je commis des choses haram, des kaba'ir, des fawahish et tout. Lorsque je suis chez moi, couvert, personne ne peut me voir. Comment est-ce que Allah Azza wa Jalla peut me voir? J'ai tout caché. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui rappelle que c'est lui qui l'a créé lorsqu'il était quoi? Janin, embryon, il était caché dans la matrice de sa mère, et Allah subhanahu wa ta'ala connaissait tout sur lui. C'est lui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. فَلَيْسَ عِلْمُكُمْ أَوْ لَيْسَ عَمَلُكُمْ أَخْفَى مِنْ أَحْوَالِكُمْ وَأَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَيْضًا فَهُوَ تَأْكِيدٌ وَبَيَانٌ لِلْجَزَاءِ. Aussi, c'est de l'emphase, une confirmation de la rétribution. Pourquoi? لما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا كأن الكافرين قالوا هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر وجمع الأجزاء بعد تفرقها. Lorsque Allah Azza wa Jal il les menace de sa punition, subhanahu wa ta'ala, ليجزي الذين أساءوا بما عملوا, ceux qui ont fait le mal, il va avoir la rétribution pour leur mauvaise œuvre. Alors là, certains des kafirines pourraient dire, mais après notre mort, on va devenir quoi? Poussière, on ne va plus exister. Comment est-ce qu'on va être puni par Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jalla, il le rappelle quoi? Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum fayajma'uha biqudratihi ala wifqi ilmihi kama ansha'akum. Allah ta'ala, c'est lui qui vous a créé à partir de terre par sa connaissance. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ard, et qui a fait de vous après ça des embryons. Allah Azza wa Jal, il va vous recréer même si vous allez devenir quoi? Poussière et terre. Et vous allez revenir auprès d'Allah Azza wa Jal pour la rétribution et pour al-hisab. Ay rabbukum a'lamu bikum hina khalaqa abakum adam min al-ard qabla an tujadu wa hina kuntum hamlan masturina fi butun ummahatikum qabla an tuladu. Donc là aussi, il y a quoi? La première création générale de l'être humain, ça a commencé à partir de terre. Ça, c'est notre père, Adam alayhi as-salam. Après ça, ça mentionne la création de chacun parmi nous, qu'il était embryon dans la matrice de sa mère. Adam alayhi salam, il n'était pas djanin, embryon. Allah Ta'ala créé à partir de terre. Ça, c'est le premier être humain. Nous, nos origines sont de terre, mais on est passé par cet état-là de al-djanin, de l'embryon. قال السعدي هو أعلم هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها. Allah Ta'ala, il connaît vos états. Donc là, on va dans un autre sens. Donc on a parlé quoi? De la terre et de l'embryon comme, comme message ici pour le kafir, pour le mécréant. Celui qui rejette al-hisab, celui qui pense que Allah Ta'ala ne va pas le punir, que ça ne va jamais arriver. Rappelle-toi de la terre et de l'embryon. Maintenant, le deuxième, c'est un message pour le mu'min aussi. وَمَا جَبَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّعْفِ وَالْخَوَرِ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ. Allah Ta'ala, c'est lui qui vous connaît, votre état, vous les êtres humains, car ça fait partie de votre nature que vous êtes faible. Et vous êtes al-khawar. C'est quoi al-khawar ici? C'est dans le sens de vous manquer de volonté envers plusieurs des choses que Allah Ta'ala vous a demandé de respecter. وَمِنْ كَثْرَةِ الدَّوَاعِ إِلَى بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ وَكَثْرَةِ الْجَوَادِبِ إِلَيْهَا. Et aussi de la multitude d'attractions vers les interdits. وَالضَّعْفُ مَوْجُودٌ مُشَاهَدٌ مِنْكُمْ حِينَ أَنْشَأَكُمُ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ. Sachant que la faiblesse, c'est quelque chose qui était très évidente lorsque Allah Azza wa Jal vous a créé à partir de terre et lorsque vous étiez des embryons. وَلَمْ يَزَلْ مَوْجُودًا فِيكُمْ. Et cette faiblesse vous accompagne toujours. Ça veut dire ici, Allah Azza wa Jal nous rappelle quoi? Le concept de la faiblesse humaine. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Donc ça c'est une, quelque chose qui est très clair dans le Coran al-Karim, que l'être humain il est caractérisé par la faiblesse. Pas seulement la faiblesse physique, mais surtout la faiblesse de volonté. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَوْجَتَ فِيكُمْ قُوَّةً عَلَى مَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَلَكِنَّ الضَّعْفَ لَمْ يَزَلْ فَلِعِلْمِهِ تَعَالَى بِأَحْوَانِكُمْ هَذِهِ نَاسَبَتْ الْحِكْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ وَالْجُودُ الرَّبَّانِي أَنْ يَتَغَمَّدَكُمْ بِرَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَعَفْوِهِ وَيَغْمُرَكُمْ بِإِحْسَانِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'il connaît votre faiblesse, subhanahu wa ta'ala, nasaba dhalika, ça vient avec le fait que Allah subhanahu wa ta'ala vous traite par sa miséricorde et par son pardon. Walillahi ta'ala al-mathal al-a'la. Walillahi al-mathal al-a'la. Si on donne un exemple, et Allah azza wa jalla, il a le meilleur exemple. Si un parent a un enfant, un jeune enfant, peut-être qu'il a 6 ans, peut-être qu'il a 7 ans, un jeune enfant comme ça. Il va lui demander de faire certaines petites tâches à la maison, dans sa chambre ou dans ses... Et après ça, ces tâches-là ne seront pas bien accomplies. Pourquoi tu n'as pas fait tes tâches? J'étais fatigué. J'étais paresseux. Est-ce que ce parent va punir cet enfant? Oui? Un enfant de 6 ans, de 7 ans, 6 ans, tu vas laisser passer, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est par miséricorde. Parce que tu connais, tu comprends sa faiblesse. Ça, c'est un jeune enfant faible. Tu ne peux pas mettre sur lui des attentes comme tu ferais sur un enfant plus grand, sur un adulte. Un adulte qui dit, si c'était ton employé ou autre chose, et dit, ah, j'étais trop paresseux aujourd'hui pour faire ça, ben c'est fort probable que tu ne vas pas nécessairement lui pardonner ou tu ne vas pas faire passer ça. Paresseux, on est tous paresseux, mais travaille un peu plus. Tu n'as pas la même faiblesse qu'un enfant de 6 ans ou de 5 ans, c'est clair. وَلِلَّهِ تَعَالَ الْمَثَلْ أَعْلَى. Allah Azza wa Jal nous a donné des commandements, subhanahu wa ta'ala, des limites à respecter, mais Allah Azza wa Jal nous traite par sa miséricorde parce que Allah Azza wa Jal connaissait quoi? Notre faiblesse et nos limites. Humain. وقال ابن عاشور المعنى أن إنشاءه من الأرض يستلزم ضعف قدرتهم عن تحمل المشاق مع تفاوت أطوار نشأة بني آدم، فالله علم ذلك وعلم أن آخر الأمم وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الأمم. العلماء يلديز pour être honnête avec vous, je ne sais pas pourquoi j'ai pas encore trouvé vraiment de parole des ulama sur le détail de ça, mais ça réfère un hadith probablement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Allah alima da'fana, lorsque ça parlait de l'ghanaim et tout. Mais les ulama, ils disent que la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus faible des ummas. Pas la plus faible dans son iman, mais la plus faible dans son état, en général. Ad'af al-umma. Donc il y a certaines choses qui sont évidentes, comme le fait que la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comparée aux toutes premières ummas, comme la umma de Nuh alayhi salam. Quand on parle de Ummah, ce n'est pas juste les croyants. On parle de Ummah, ça veut dire aussi Ummat al-Da'wa. Le peuple de Nuh, alayhi salam, comment ils étaient? C'était très fort, ils vivaient jusqu'à 900 années, 1000 années. Donc ça, c'est quoi? Une longue vie pour réparer plusieurs choses et pour apprendre plusieurs choses et ainsi de suite. Okay? Donc ça réfère au fait ici que la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la Ummah la plus faible, ad'af al-umam. Encore une fois, pas la faiblesse de iman, mais c'est la faiblesse dans l'état, dans le contexte, dans les moyens qui lui sont accordés et ainsi de suite. Peut-être aussi c'est le fait que ce soit la Ummah de la fin des temps et que de ce fait elle va faire face aux grandes épreuves, aux grandes fitnes de la fin des temps et ainsi de suite. Mais les ulama ils disent que anna ummat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya ad'afu al-umam. وأيضا قوله تعالى فيه أنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه فهو يعلم ما سيعمله الخلق. Vu que Allah Azza wa Jal c'est lui qui connaît notre état, nous a créé à partir de terre et d'embryon. Allah Azza wa Jal, il sait qu'est-ce qu'on va faire, il connaît nos actions dans l'avenir, comment est-ce qu'on va agir. Et là, il connaît subhanahu wa ta'ala que nos actions ne vont pas toujours être les actions les plus parfaites, les plus bonnes. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il nous traite par ça miséricorde subhanahu wa ta'ala. Ça, on a déjà mentionné. Ici, ils disent, même si on a déjà cité ce sens général, mais on le répète avec d'autres paroles, Inch'Allah, encore une fois, juste pour montrer que parfois, c'est bien comme on dit ici, ziyadatul adillah, tazidu ilman, tazidu yaqina. Lorsque le même message vient de plusieurs références, ça renforce le message. Inna wuqu'a adh-dhanbi ma'a ta'aqqubihi bi-at-tawbati wal-istighfar la yaqdahu fi kawni ar-rajul min al-muqarrabin as-sabiqin wala al-abrar. Le fait que quelqu'un ait commis un péché qui sera suivi par la suite par la tawba, repentir, par le istighfar, ça n'enlève pas à la personne le fait qu'elle est peut-être parmi les muqarrabin, les pieux les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yalhaquhu bidhalika wa'idun fil akhirah fadlan an yaj'alahu min al-fujjar. Et ça ne lui amènera aucune punition dans l'akhirah et ça ne fait pas de elle personne perverse de ceux qui sont al-fujjar. طيب maintenant parlons pour finir avec cette ayah. Non, on n'a pas encore fini, mais parlons maintenant de la question du kabair, les péchés majeurs. Alors, c'est quoi un péché majeur? Où est-ce qu'on met la ligne? اختلف في ضابط الكبيرة على أقوال كثيرة. Plusieurs opinions des ulama sur c'est quoi la définition, c'est quoi les paramètres qui définissent une kabira, un péché majeur. Imam al-Shanqiti رحمه الله il dit أظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل على أنه أعظم من مطلق المعصية. Il dit que selon son sommaire, la conclusion à laquelle il est arrivé, c'est que al-kabira, péché majeur, c'est chaque péché avec lequel vient un message qui nous dit que ça, c'est pas un péché normal. Ça dépasse le péché normal. Donc, c'est défini par certains facteurs extérieurs, certaines informations. Comme par exemple, سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْوَعِيدُ عَلَيْهِ بِنَارٍ. Soit que Allah Ta'ala, il a mentionné ce péché spécifiquement et il a dit que celui qui fait ça, il va avoir un nar, l'enfer. Donc, différence entre un péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est interdit. Allah Ta'ala, il n'aime pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à quelqu'un, ne fais pas telle chose. Et ça s'est arrêté là. Ça c'est quoi? C'est un péché, haram. Mais si un péché particulier vient avec, dans un contexte où ça parle de celui qui le fait, va avoir l'enfer, numéro 1. Ou, ghadab, la colère d'Allah Ta'ala, celui qui fait ça, il aura la colère d'Allah Azza wa Jal. Ou la'na, la malédiction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ou adabin, Allah Ta'ala va le punir, celui qui fait telle chose. Ou kana wujubul hadd fihi, ou un péché pour lequel il y a un had, une punition spécifique dans la dunya que Allah Ta'ala il a décrété, comme pour az-zina, la fornication, comme pour ramyul muhsanat, comme pour sariqa, le vol. Donc tout ça c'est des péchés sur lesquels Allah Azza wa Jalla a imposé un had, un châtiment bien spécifique dans la dunya. Ou غيري ذلك مما يدل على تغليظ التحريم وتوكيده, ou toute autre chose qui vient pour rendre l'interdiction plus sévère, que ça réfère à un péché majeur. وممن اختار في الجملة أن الفواحش من الكبائر لكنها أعظم قبحا وأشد فحشا. Donc, là, ça répond à ta question un peu plus tôt. Ici, j'ai une information qui t'ajoute. Il dit que il y a des savants, plusieurs savants, Zamakhshari, Al-Baydawi, Ras'ani, Nasafi, Abu Sa'oud, Shawkani, Al-Qasimi, Al-Alusi, Ibn Ashur, Al-Shanqiti, qui disent que les fawahish, les turpitudes, font partie de Al-Kaba'ir, des péchés majeurs, mais que c'est des kaba'ir encore plus graves, plus dégueulasses, en quelque sorte. Achad de fuhshan wa aqwa ithman. Certains ulama, en passant, ils ont dit, comme ici dans Tafsir Sa'di, الفرق بين الكبائر والفواحش أن الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه والكبائر ما ليس كذلك. Dans certains ulama, ils disent que, comme Sa'di, ils disent que les فواحش sont les péchés majeurs qui sont dégueulasses et que habituellement il y a une grande tentation dans le cœur de la personne vers ces fawahish là, ce qui n'est pas nécessairement la même chose pour les kaba'ir. C'est clair? Oui, akhi. En passant, il y a ce que j'ai mentionné juste de façon sommaire, ce que l'imam Shankiti l'a mentionné, ok, pour ce qui est des péchés majeurs. Donc lui là, pas mal fait le sommaire de l'opinion de plusieurs savants, parce que certains savants, ils ont dit les péchés majeurs, c'est tout ce que Allah Azza wa Jal, il a mentionné la malédiction pour ça. D'autres, ils ont dit c'est tout ce qui vient avec un had punissant dans la dunya. Lui, c'est comme s'il a regroupé tout ça. Il y a d'autres ulama, c'est une opinion minoritaire, mais selon moi, Allah Alam, qui est plus convaincante, que les péchés majeurs, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, a mentionné que ça, c'est un péché majeur. Il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, spécifiquement, il a dit quoi? Les kaba'ir, c'est tel et tel et tel et tel. C'est de tuer quelqu'un, bien sûr, shirk billah azza wa jal, sihr, la magie, n'est-ce pas? Ça, c'est des kaba'ir. Donc, ça, c'est numéro un. Et tout ce qui cause les mêmes dégâts ou dégâts plus grands, des dégâts plus grands. Tout ce qui vient avec une mafsada égale à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité, ou une mafsada quoi? Plus grave. Que tout ça, c'est des kaba'ir, des péchés majeurs. Non. Tu avais une question? Oui. Quand vous avez mentionné Sa'di par rapport au fawahish, c'était quoi ça? J'ai manqué ce que vous avez dit qu'il considérait comme fawahish. Sa'di, c'est le dernier point. Ah, Sa'di, il dit que al-fawahish, encore une fois, ça fait partie de al-kaba'ir, mais c'est des kaba'ir dans lesquels il y a une grande tentation dans un nafs à l'intérieur, qui vient habituellement avec une grande tentation à l'intérieur de nafs vers ces fawahish-là. Non. Wafika barakallah. Il y avait une autre question? Ok, non, pas de problème. Après ça, Allah Azza wa Jal, il dit quoi, subhanahu wa ta'ala? فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. ne vantez pas vous-même votre pureté. Donc, tuzakku, ça vient de la tazkiyah. Ce qui est zaki, quelque chose de pur. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le plus connaisseur de celui qui a la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que les ulama, ils ont dit ça? لما كان من عادة من سلم من الذنوب أن يفتخر على من قارفها لما بني الإنسان عليه من محبة الفخر لما جبل عليه من النقصان وكان حاله قد يتبدل فيسبق عليه الكتاب فيشقى سبب عن ذلك قول الله تعالى أو قوله تعالى فلا تزكوا أنفسهم. Alors il dit ici, parce que très souvent celui qui est propre de péché, il n'y a pas de péché, vraiment. Il est propre, sa conduite, elle est excellente. Eh bien, très souvent, une telle personne pourrait avoir recours à al-fakhr, se vanter ouvertement ou implicitement face à celui qui n'est pas ainsi. Regarde comment il est. Astaghfirullah, a'oudhu billah. Tellement dégueulasse, tellement mauvais. Tellement désobéissant. Je suis propre. Il dit ici, لِمَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْإِنسَانِ مِنْ مَحَبَّةِ الْفَخْرِ. Car parmi, encore une fois, ces défauts de l'insan, de l'être humain, c'est quoi? C'est l'amour de se vanter qui habituellement est causé par la faiblesse, le vide de l'être humain. L'être humain, vu qu'il a plein de naqa'is, plein de failles, d'imperfections, il aime se vanter pour se pomper, pour monter. Dès qu'il trouve une raison pour se vanter, pour se faire valoir, alhamdoulilah, moi, je suis très propre. Je ne suis pas comme ça. Je suis une très bonne personne. Alors Allah Azza wa Jal, pour rappeler même à cette personne que حَالُهُ قَدْ يَتَبَدَّلْ, que son état pourrait changer, فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَشْقَى, que par le qadr d'Allah Azza wa Jal pourrait changer et devenir la pire des personnes, et finir très très mal, iyad billahi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit quoi? Fala tuzakku anfusakum. C'est quoi la tuzakku anfusakum? Ici, le sens général, c'est ne prétends pas être si bien que ça comme personne. La tashhadu li anfusikum bil bara'ati min adh-dhunub wa al-atham aw tamdahuha bi husn al-a'mal. La tashhadu, ne témoignez pas pour vous-même que vous êtes innocent de péché, que vous êtes propre, ou de se faire les louanges de ses bonnes œuvres. J'ai beaucoup de amal salih, je fais beaucoup de bien, moi, je suis une très bonne personne, je suis un très bon croyant. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, dans Sourate An-Nisa, il dit subhanahu wa ta'ala, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. As-tu vu ceux qui font la tazkiya de eux-mêmes? Pas le droit de faire ça. Allahu yuzakki man yasha. Imaginez, walillahi al-mathalu al-a'la, un étudiant à l'université connaît à chaque fois professeur de mathématiques, physique, peu importe. Lui connaît les réponses. Il amène des perspectives très intéressantes. Il comprend ce que les autres ne comprennent pas. Dès qu'il y a une nouvelle notion, oui, j'ai compris, fini. Les autres sont en train d'essayer. Alors lui, un jour, il décide comme ça de se mettre debout. C'est-à-dire, j'ai décidé de me décerner à moi-même le diplôme de maîtrise en sciences. Okay? Je vais signer le diplôme pour moi-même. Je suis trop bon. Est-ce que ça passe? Non. C'est pas à lui de se donner son propre diplôme. C'est l'autorité en place académique qui va décider est-ce que tu vas avoir le diplôme ou non. Ce n'est pas à toi de dire moi maintenant je me donne, je m'accorde le diplôme. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُوا بِمَنِ اتَّقَى. Et dans l'autre ayah ici dans sourate Nisa, بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاء. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui valide, qui honore ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Huwa a'lamu biman ittaqa. Si Allah ta'ala, il appelle quelqu'un auprès d'Allah Azza wa Jal, il le cite, il le nomme, taqi, il est parmi les gens de taqwa. Si Allah Azza wa Jal Le nom Muhsin, auprès d'Allah Azza wa Jalla, Muhsin, il est Muhsin. Si auprès d'Allah Ta'ala, il n'est pas ainsi, il n'est pas ainsi. Peu importe ce qu'il se pense qu'il est. Oui, Akhi. Et du coup, est-ce que celui qui vient le fait de se dissocier d'ici pour prendre de la culpité, pendant le moment aujourd'hui, il vient dire que nous, on ne fait pas ça, être fier de ça, est-ce que cela rentre dans ses corps ou pas ? Il y a deux choses ici. Tu dis, tu as posé comme deux questions en une. La première, c'est se dissocier. Se dissocier de ceux qui font le mal évident, les turpitudes et ainsi de suite, de façon évidente, comme on a dit, pas elle-même, mais de façon évidente, ça c'est une obligation dans Ad-Din. Okay, ça fait partie, encore une fois, de Al-Wala et de Al-Bara. On parle même dans Al-Shara, même celui qui est musulman mais qui commet certains péchés et tout, on parle bien sûr dans un certain contexte, il y a des conditions à ça et tout, on ne va pas entrer dans ça. On parle même d'un certain boycott. Hadruhu. Hadruhu. Pas avec l'intention de se mettre plus haut. Non. Avec deux choses principales ici. De un, pour son propre bien, parfois, c'est comme une certaine punition, un certain rappel, une certaine pression qu'on fait pour qu'il revienne vers la droiture. Et aussi, nous, pour se protéger de son influence. De le mettre à l'écart pour qu'il n'influence pas les autres dans le mal. Donc, une certaine dissociation, oui, elle est importante. Man ghashana fa laysa minna, par exemple, il dit le prophète alayhi salatu wa salam. Al-bara'a, pas une dissociation complète. S'il est un musulman, bien sûr, on ne va pas complètement se dissocier de lui. Mais tu fais le mal, je me dissocie de toi. Je ne veux pas être avec toi, moi, aujourd'hui. Je ne veux pas être associé avec toi. C'est clair? Ça, c'est un. De deux, tu dis une certaine fierté. Là, non. Sauf si tu parles ici de la fierté de l'iman face à l'kufr, oui. Elle est quoi ? Évident. Parce que ça, c'est un contraste qui est évident. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. La fierté du mu'min face au kafir, ça, c'est quelque chose d'évident. Ça, c'est quelque chose de clair, de bien établi, encore une fois, le Coran ou le Sunna, même dans l'histoire de l'islam. Parce que ici, al-kafir, tant qu'il est kafir, là c'est indiscutable que tant que toi tu es mu'min, croyant, et que lui il est kafir, auprès d'Allah Azza wa Jalla, tu es meilleur que lui. Ça c'est indiscutable. Mais entre mu'min et un autre mu'min qui a l'air d'être désobéissant, Allahu a'lam, qui est le meilleur auprès d'Allah Ta'ala, on ne le sait pas. La somme des actions, la somme des états, les hasanat que lui il fait, les sayyi'at que moi je fais, que je ne suis pas conscient peut-être, ça je ne sais pas. Donc, si tu parles d'une certaine fierté, donc là on ne fait pas parce que la fierté ici, c'est exactement le sens de « فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ ». Mais là, tu peux faire comme les ulama, ils disent. Tu dis « Alhamdulillah ala ni'mat al-afiyah ». Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que si on voit quelqu'un qui est mubtala, qui est éprouvé par quelque chose que nous on n'a pas, prends de la drogue, prends le khamr, prends l'alcool. Là, tu ne vas pas être fier. Tu dis, alhamdulillah, je ne bois pas l'alcool. Moi, je suis meilleur que lui. Je suis fier par rapport à lui. Non. Et tu dis quoi? Alhamdulillah, il l'a dit, afani mimma btalaka bihi. Alhamdulillah, qui m'a protégé de ça. Qu'Allah Ta'ala me protège encore plus. C'est clair? Alors, Allah Azza wa Jal, il dit, subhanahu wa ta'ala, fala tuzakku anfusakum. Ay la tubarri'uha 'an al-afam, ne prétendez pas l'innocence de vos personnes face au péché, par rapport au péché, par rapport au afam. Et ça vient ici de zakiya, du mot zakiya, yadullu 'ala nama'in wa ziyadatin wa taharatin. Le mot tazkiya, zaki, ça vient de zakiya, c'est ça la racine, zakiya, qui fait référence à quoi? À une certaine croissance et à une certaine quoi? Propreté, une certaine pureté. C'est pour ça, la zakat, elle s'appelle zakat pourquoi? Parce qu'elle augmente la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, elle augmente aussi la baraka de la richesse et aussi parce qu'elle purifie la richesse de la personne et elle purifie aussi le cœur de la personne. Qala ibn Ashur, يشمل ذلك تزكية المرء غيره. En passant, les ulama, ils disent, comme ici Ibn Ashur, que cette ayah, elle fait référence aussi à l'interdiction de faire la tazkiyah de autrui. Tout comme je ne peux pas dire je suis radulun salih, je suis un homme pieux. Je n'ai pas le droit de dire aussi à propos des autres que il est radulun salih, il est un homme pieux. Fala tuzakku anfusakum fayarji'u anfusakum ila ma'na قومكم أو جماعتكم كقوله سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي يسلم بعضكم على بعض. Alors ici ça revient à ne faites pas la tazkiyah de vous-même, c'est pas juste moi-même mais les uns des autres. أي لا يثني بعضكم على بعض بالصلاح والطاعة. لماذا؟ لألا يغره ذلك. Parce que aussi il y a dans ça une protection face au غرور, pour que ne pas la personne elle soit leurrée. Je connais, oh mashallah, je te connais, tu es une très très bonne personne, oh tu es très pieux, alhamdulillah, je te connais. Là qu'est-ce qui va se passer? De un, je le connais pas, c'est pas vrai, c'est Allah qui le connaît, c'est pas moi qui le connais. Et de deux, même si c'est vrai, ça va, ça pourrait lui pourrir le cœur, ça pourrait lui corrompre les intentions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ça. Et c'est pour ça ici, par exemple, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Amr ibn Ata, l'un des sahaba, il dit « Sammaytu ibnati barrata ». Excusez-moi, c'est l'un des tabi'in. Il dit ici, donc on va directement entrer dans l'histoire de Zaynab bint Abi Salama radiyallahu anha, qui est l'une des sahabiyettes. Elle a dit « Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an hadha al-ismi. Wa summitu barrata faqala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. » Donc, son nom c'est Zaynab. Initialement, elle dit que mes parents, lorsque j'étais né, ils m'ont appelé Barra. Barra, ça vient de Al-Bir, Al-Abrar, la pieuse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tuzakku anfusakum ». Ne faites pas la tête qu'il y a de vous-même, en faisant référence à ton enfant. C'est pas accordé un nom à toi, tu l'as accordé à ton nouveau-né. Mais malgré ça, la tuzakku أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. C'est Allah qui sait ce qui est pieux, qui est bar et qui n'est pas bar. Et de ce fait, ils ont dit à Rasulullah, qu'est-ce qu'on devrait l'appeler à la place. Il a dit سموها زينب, et ils l'ont appelé زينب. Aussi أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. Un homme a commencé à faire les louanges d'un autre homme devant le prophète صلى الله عليه وسلم. Tu es tel et tel et tel et tel et tu es une grande personne et ainsi de suite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُكَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُكَ صَاحِبِكَ. Il a dit وَيْلَكَ, gare à toi, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de couper le عُنُق, le cou de ton frère. Tu viens de couper le cou de ton frère. ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسَبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un de vous, il doit faire le madh de son frère, les louanges de son frère, il doit le faire, il est dans une situation où il doit faire ça. Il dit أَحْسَبُ فُلَانًا, je pense que je ne connais que de cette personne que du bien. وَاللَّهُ حَسِيبُهُ, et Allah Azza wa Jal, il le connaît mieux que moi. وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا, et je ne purifie personne sur Allah subhanahu avant Allah subhanahu wa ta'ala. إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ, à condition qu'il connaisse ça de lui. En d'autres termes, si tu ne connais que du bien d'une personne et que tu dois attester pour cette personne, c'est pas vrai qu'on n'a jamais le droit de faire le praising, les louanges de quelqu'un, ça c'est pas vrai. Qu'en islam, on n'a jamais le droit de faire. On peut le faire dans certaines situations. C'est nécessaire de le faire, soit pour montrer la valeur de cette personne pour les gens qui ne la connaissent pas, soit pour l'encourager dans le bien, comme on ferait encore une fois avec des enfants ou autre chose, des débutants, on veut les encourager à faire le bien. Tu as bien fait, mashallah, ta salat, je suis très content que tu fais ta salat à l'heure. Ou parfois parce que quelqu'un est traité injustement, on lui attribue des choses à tort, c'est important de lui redonner sa juste valeur. Donc on peut faire la thèse qu'il y a de quelqu'un, comme dans Shahada, le témoignage chez un juge. Un juge dans l'islam pourrait te t'amener te dire ton voisin, tu connais quoi de lui? Parce que le juge, il ne le connaît pas. Et il y a des gens qui l'accusent de telle et de telle chose. Alors toi, tu dis quoi? La a'lamu anhu illa khayran. Je ne connais que du bien, je connais beaucoup de bien de cette personne. Alhamdulillah. Wa la uzakki ala Allahi ahadan. Moi, je parle de ce que je sais. Je l'ai transmis de façon fiable. Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas enlevé. Mais ça reste que je ne donne de chèque blanc à personne. C'est Allah Ta'ala qui sait, subhanahu wa ta'ala. Donc, comparer cela avec toutes les exagérations de nos jours, n'est-ce pas? Foulain, tel grand leader de la communauté, l'autre le grand, je ne sais pas quoi, l'autre... Les gens, subhanallah, aiment se donner ça, c'est comme des stratégies. Ils aiment se donner ça de façon quoi? C'est comme un échange, la vente, de façon mutuelle. Je te donne des titres comme ça, je te fais bonder de titres et tu vas me donner d'autres titres en échange. Comme ça, les deux, on va grandir. Les gens vont nous voir comme des personnes très, très importantes. Et ça, bien sûr, en plus de tous les dégâts pour le iman, dans le monde des médias sociaux de nos jours et ainsi de suite, dans lequel on vit de nos jours, c'est aussi une trahison envers la communauté. C'est de la fraude. Tu es en train de frauder la communauté, frauder les gens en présentant des gens qui ne sont pas ce qu'ils sont. Les gens vont être émerveillés par des personnes qui ne sont pas vraiment ce que en prétend qu'ils le sont. Ay Allahu a'lamu biman ittaqa sakhata wa 'adabahu minkum famtathala awamirahu wajtanaba nawahiyah. C'est Allah Azza wa Jal qui connaît plus, subhanahu wa ta'ala, qui sont les gens de at-taqwa, qui sont les personnes qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, on va continuer avec ce qui nous reste de cette ayah dans la prochaine séance. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.